Grand Corps Malade avec ce magnifique titre dimanche soir sur RGM. Il est presque 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 31 juillet 1938, naissance de Marion Gamme, actrice française vue dans Les Bidas en folie, Mon curé chez les Thaïlandaises, la série télé Boulevard du Palais dans le rôle de Simone Rivière, Scène de ménage bien évidemment dans le rôle d'Huguette, Plus belle la vie dans le rôle d'André Bauer, vue également dans Alice Nevers, Le juge est une femme, Profilage ou encore Camping Paradis. 1944, naissance de Géraldine Chaplin, actrice américaine, fille de Charlie Chaplin, vue dans Les Feux de la Rampe de Charlie Chaplin, Le Docteur Jivago, Les Trois Mousquetaires, Buffalo Bill et les Indiens, ou encore Jurassic World, Fallon Kimden. 1947, naissance de Stone, chanteuse française du duo Stone et Chardin, et on écoute tout de suite eh bien, un extrait du titre « Made in Normandie ». En Pennsylvanie, 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. Quand on m'a parachuté sur un village français, la guerre, Jeannette, je l'ai raconté, mais dans mon cœur j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs. Made in Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie et le bon cidre doux. Made in Normandie, mais ce made in Normandie, les peu made in Normandie. Voilà pour l'extrait de Made in Normandie, Stone et Chardin. 1950, naissance de Richard Berry, acteur français vu dans Le Grand Pardon 1 et 2 dans le rôle de Maurice Béthune, L'Addition, L'Union Sacrée dans le rôle de Karim Amida, Lapa, Pédale Douce, Ah si j'étais riche, La Doublure dans le rôle de Maître Foy, L'Emmerdeur dans le rôle de Ralph Millen, L'Immortel, réalisateur également de Moi César, 10 ans et demi, 1m39, L'Immortel ou encore Nos Femmes. 1954, naissance de Noël Pernat, humoriste, actrice française, connue pour son personnage de Mado la niçoise. 1956, naissance de Michael Biehn, acteur américain vu dans Terminator 1 et 2 dans le rôle de Kyle Reese, ou encore Alien le retour dans le rôle du caporal Dwayne Hicks. 1958, naissance de Bill Berry, batteur américain du groupe REM, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Everybody Hurts. Voilà pour l'extrait de REM. Allez, on continue, on va rester en 58 avec la naissance également de Manuel Gélin, acteur français vu dans Dolmen, la saga de l'été d'il y a quelques années. Il interprétait le rôle de Loïc Kermer, vu également dans Sous le soleil, Julie Lescaut ou encore Camping Paradis. 1962, naissance de Wesley Snipes, acteur américain vu dans Demolition Man, dans le rôle de Simon Phoenix, dans la trilogie des Blade, dans le rôle de Blade, vu également dans Chaos, dans les rôles de Lawrence et Jason York et Expendables 3 dans dans le rôle de Doc. 1965, naissance de J.K. Rowling, écrivaine britannique qui doit sa notoriété mondiale à la célèbre série Harry Potter. 1966, naissance de Dean Cain, acteur américain, connu pour son rôle de Clark Kent alias Superman dans la série télé Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, vu également dans la série Las Vegas dans le rôle de Casey Manning, Smallville, Les Experts Miami, Esprit criminel ou encore Supergirl dans le rôle de Jeremiah Danvers. 1974, naissance d'Emilia Fox, actrice britannique vue dans Le Pianiste dans le rôle de Dorota, la série télé Merlin dans le rôle de Morgause ou encore Delicious dans le rôle de Sam Vincent. 1975, naissance de Kavinsky, DJ français. On écoute tout de suite eh bien, un extrait du titre Night Call. Pour Kavinsky. Allez, on continue. 1977, naissance de Grand Corps Malade, chanteur français. 1978, naissance de Will Champion, musicien britannique du groupe Coldplay. 1982, naissance de Marc Lopez, joueur de tennis espagnol professionnel depuis 1999. C'est un joueur de double qui a été numéro 3 mondial en 2013, qui a gagné une fois Roland-Garros, deux fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie et huitième de finaliste à Wimbledon. Et aux Jeux Olympiques, il a remporté une médaille d'or en double aux côtés de Rafael Nadal. C'était à Rio. 1988, naissance de Max et Charles Carver, acteurs américains. Max, on a pu le voir dans Desperate of the Eyes, dans le rôle de Preston Scavo, ainsi que dans Teen Wolf, dans le rôle d'Aiden Charles. Et Charles, on a pu le voir dans Desperate of the Eyes, dans le rôle de Porter Scavo, Teen Wolf, dans le rôle d'Ethan, mais également dans Hawaii 5-0. 1989, naissance de Victoria Azarenka, joueuse de tennis biélorusse professionnelle depuis 2003, qui en simple a été numéro 1 mondial, c'était en 2012, qui a gagné deux fois l'Open d'Australie, deux fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon. En double, elle a été numéro 7 mondial, c'était en 2008, deux fois finaliste à l'Open d'Australie, une fois finaliste à Roland-Garros, quart de finaliste à Wimbledon et 16e de finaliste à l'US Open. Et aux Jeux Olympiques, en simple, elle compte une médaille de bronze et en double mixte, une médaille d'or. 1996, naissance de Léa Passy, chanteuse française qu'on écoutera en fin d'émission. Tout de suite, on s'écoute Coldplay avec leur titre True Love. For a second I was in control, I had it once, I lost it though. True Love sur le 107 FM. Ils nous ont quittés un 31 juillet 1784, naissance de Denis, décès de Denis Diderot, écrivain, philosophe, encyclopédiste français des Lumières, à la fois romancier, dramaturge, conteur, essayiste, dialoguiste, critique d'art, critique littéraire et traducteur, qui a supervisé la rédaction d'un des ouvrages les plus marquants de son siècle, la célèbre Encyclopédie. 1864, décédé Louis Hachette, éditeur français, fondateur en 1826 de la maison d'édition qui porte aujourd'hui encore son nom et qui est le premier groupe éditorial français. En 1914, décédé Jean Jaurès, homme politique français. En 1944, décédé Antoine de Saint-Exupéry, aviateur, écrivain français, en citant son œuvre célèbre, hein, Le Petit Prince. En 2017, décédé Jean-Claude Bouillon, acteur français, vu dans Les Brigades du Tigre, dans le rôle du commissaire Valentin, Sous le Soleil, dans le rôle de Xavier Mondino, Julie Lescaut, Une Femme d'Honneur, Joséphine Ange-Gardien, Alice Nevers, Le Juge est une femme, R.I.S. Police Scientifique, Plus belle la vie, ou encore Cain. Et la même année, décédé Jeanne Moreau, actrice et chanteuse française, vu dans Touchez pas au Grisby, La Reine Margot, dans le rôle de Marguerite de Valois, Lily Liaison dangereuse 1960 dans le rôle de Juliette Valmont de Merteuil, Jules et Jim dans le rôle de Catherine, Les Valseuses dans le rôle de Jeanne Pirolle ou encore Nikita. Et tout de suite, eh bien, on va s'écouter un extrait du titre Le Tourbillon. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, aïe, aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Voilà pour l'extrait du Tourbillon. Allez, comme tous les mercredis, on va faire un petit point sur les sorties cinéma. Pas grand-chose aujourd'hui. En sortie, un film d'animation comédie Comme des bêtes de Chris Renaud et Jonathan Delval avec les voix françaises de Philippe Lachaud, Willy Rovelli ou encore Julien Arruti. Autre sortie, Midsommar, un film d'épouvante, d'horreur de Harry Aster avec Florence Pugh, Jacques Raynor ou encore Will Poulter. Autre film, Les Faussaires de Manhattan, comédie dramatique biopic de Marielle Heller avec Melissa McCarthy, Richard Grant ou encore Dolly Wells. Et enfin, dernier film, Rêve de jeunesse, un drame d'Alain Raoust avec Salomé Richard, Johan Zimmer ou encore Estelle Meyer. Allez, nouvelle pause musicale avec Léa Passy et le titre Pour aller où ? Te souviendras-tu de nos imprudences, d'une jeunesse qui pleure, des appels manqués? Sais-tu qu'aimais-tu le peu d'innocence au fond de nos cœurs, presque aimanté? Il a sûrement trop plu durant nos absences, les nuits sans couleur, les hôtels hantés. Il se moque de nos entailles, seul dans ce train qui déraille. Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Pour aller où, aller où, aller? Vivre une dernière fois, si demain n'existe pas. Passy sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h54 et on fait un point météo. La météo. Au programme d'aujourd'hui, soleil et nuages, des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 22 et 24 degrés pour cet après-midi. Jeudi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 25 et 27 degrés prévus pour jeudi après-midi. Et vendredi, soleil et nuages avec de la pluie à prévoir pour vendredi après-midi. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin et entre 24 et 25 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Tennis à Washington, la qualification de Joe Wilfried Tsonga en 3-7 face à la tête de série numéro 2 du tournoi, 6-4, 2-6, 7-5. Aujourd'hui, Manarino affrontera Andersen. Simon sera opposé à Kyrgios Herbert à Kekmanovic et Benoît Paire à Polmans. Côté féminin, la qualification de Mladenovic en 2-7 face à Rogers, 6-4, 6-4. Elle affrontera aujourd'hui l'américaine Batista. À Los Cabos, hier, élimination de Barrère en 2-7 face à Norris, 7-6, 6-0. Aujourd'hui, Luca Pouille affrontera Kokkinakis. À Kitzbühel, l'élimination de Richard Gasquet en 2-7 face à Cole Schreiber, 6-3, 6-2. Aujourd'hui, Jérémy Chardy affrontera Lajovic. Et au tournoi de San José, il n'y a plus de Françaises en compétition après l'élimination de Tan en 2-7 face à Azarenka, 6-2, 6-4. Dans le reste de l'actualité, on va parler de sportifs blessés et on reste en tennis avec Juan Martín Del Potro qui a commencé sa rééducation un mois seulement après son opération suite à sa fracture de la rotule droite. En cyclisme, Thibaut Pinot va devoir être au repos pendant une vingtaine de jours suite à sa blessure sur le Tour de France. Et en basket, Nando Docolo au repos pour 10 jours. Il manquera les premiers matchs de préparation au Mondial. Voilà pour l'actu sportif. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale. Tube de l'été 2000. Yannick, ces soirées-là. Aïe, aïe, aïe. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suive pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas. Avec bien plus de cils que Travolta. Pas le temps de souffler, dans la foule on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fout son numéro pour en avoir un. Vu qu'entrer sans rien, pas moyen. Ces soirées-là, on brave, on branche. Toi-même tu sais pourquoi, pour qu'on finisse ensemble toi et moi. C'est pour ça on aime tous ces soirées-là. On les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans cette soirée-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger. Faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé, elle est si. J'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé. Mais tout est permis dans cette soirée-là. On grave, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Jusqu'à l'eau, bébé. Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. Que mon jean allait craquer quand mes yeux sur elles se sont braqués. Bon là, elle est seule, je fais quoi, je vais lui parler. Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon, j'y vais, sinon, je vais encore le regretter. Ah, enfin, c'est décidé, peut-être que ce soir. T'inquiète, la soirée ne fait que commencer. Cette soirée-là, on brave, on branche, toi-même tu sais. Jusqu'à l'eau, bébé. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que tout le monde main dans la main, suive pas. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas, à gauche, à droite. Cette soirée-là, jusqu'à l'eau, bébé. Cette soirée-là, on brave, on branche. Toi-même tu sais pourquoi, pour qu'on finisse ensemble toi et moi. C'est pour ça on aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Et voilà, c'était il y a 19 ans, ces soirées-là, Yannick sur RGM. Il est 9h, c'est l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 11h30, En route vers l'insertion avec Chris. 13h30, Mille et une histoires du tatouage. 15h, Bollecker. À 20h, Nothing but the blues. Et 21h, la rediffusion de Vivre et créer la montagne avec Vincent. Quant à nous, on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Excellente journée à tous.